Bien, nous accueillons aujourd'hui donc Olivier Ponton, Muriel Cahen, ça se prononce comme ça, Cahen, pardon, Muriel Cahen et Élie During. Merci à eux d'être ici. La table ronde porte donc sur le thème « La réalité du temps ». Je les ai nommés donc dans l'ordre de passage successif. Qu'est-ce que le temps ? Demande non pas Saint-Augustin, mais Thomas Mann dans La Montagne Magique, et sa réponse est la suivante. Un mystère sans réalité propre, il est tout-puissant. Il est une condition du monde phénoménal, un mouvement mêlé et lié à l'existence des corps dans l'espace et à leur mouvement. On le dit éternel et infini, ajoute-t-il. Mais pourtant, ces deux caractéristiques semblent bien peu compatibles avec l'idée de succession et de simultanéité. Thomas Mann pose ainsi deux questions essentielles sur la réalité du temps. Je continue à le lire. Une succession est-elle possible dans l'éternel et dans l'infini, une simultanéité ? Première question. Deuxième question. Comment mettre d'accord ces hypothèses auxiliaires de l'éternel et de l'infini avec des concepts comme la distance, le mouvement, le changement, et ne serait-ce que la présence de corps limités dans l'univers ? Par un heureux hasard, cette question de l'éternité, de la succession et de la simultanéité va se trouver abordée successivement, mais pas simultanément, Dieu merci, par les intervenants qui nous font l'honneur d'être présents parmi nous aujourd'hui. La réalité du temps va d'abord être envisagée par Olivier Ponton du point de vue de celui qui chercherait à s'en émanciper, de celui qui se demanderait ce qu'il faut faire du temps, ce qui suppose d'établir en quel sens nous en sommes les prisonniers. Il semble d'ailleurs que ce dont nous soyons prisonniers, ce n'est pas du temps lui-même, mais d'une certaine manière du temps perçu, dans le divorce que cette expérience du temps semble prononcer vis-à-vis du temps objectif. Voilà la raison pour laquelle Muriel Cahen va examiner si la réalité du temps, telle qu'elle est dérivée de la perception, correspond au temps objectif, tel qu'il est décrit par certaines conceptions du temps, en convoquant l'idée de simultanéité et de succession. Et c'est encore à partir de ces concepts fondamentaux de simultanéité et de succession qu'Élie During va se demander ce que fait le temps, autrement dit, envisager le temps non seulement du point de vue de ses propriétés intrinsèques, mais aussi de celui de ses actions. Que faire du temps ? Qu'est-ce qui fait le temps ? Que fait le temps ? C'est successivement à chacune de ces questions que nos participants, d'une certaine manière, s'apprêtent à répondre, et je leur donne aussitôt la parole, en commençant par Olivier Ponton. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier Arnaud Sorosina et les organisateurs de ces rencontres philosophiques de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici. Alors, pour préciser le titre qu'Arnaud lui-même a donné à mon intervention, mais c'est à moi qui revient de justifier ce titre, « Que faire du temps ou plutôt comment s'en défaire ?» Je partirai d'une question qui est posée dans le texte de présentation du thème de cette année, « Prisonnier du temps », ce texte qui compare chacun de nous au lapin d'Alice au Pays des Merveilles, ce lapin toujours pressé et hors de lui, emporté par l'urgence des instants qui se succèdent inlassablement. Je cite ici le texte. Ce texte lance une sorte de défi. Comment réussir à s'affirmer dans l'être ? Par quel usage du temps et selon quelles limites échapper à l'évanescence ? Un défi existentiel et métaphysique qui est présenté comme l'expression d'un manque. Jamais l'impression de manquer de temps n'a été si répandue. Pourquoi le temps nous échappe-t-il ? Pour formuler un premier paradoxe, nous serions donc prisonniers d'un temps qui nous échappe. Et sans doute en sommes-nous prisonniers dans l'exacte mesure où il nous échappe. Alors je voudrais envisager ici une tentative, elle-même paradoxale, de relever ce défi et de surmonter ce paradoxe, c'est celle de Nietzsche, avec une pensée que Nietzsche lui-même considère comme particulièrement importante, puisqu'il lui arrive de la présenter comme le centre de gravité de sa philosophie, c'est la pensée de l'éternel retour. L'intérêt peut-être de cette pensée étant aussi qu'elle permet d'articuler le thème des rencontres de cette année, sommes-nous prisonniers du temps, et celui de cette table ronde consacrée à la réalité du temps, que j'aborderai néanmoins de façon un peu indirecte. Alors, pour décrire rapidement la pensée de l'éternel retour, elle consiste tout simplement à se demander à nous demander comment nous réagirions si l'on venait nous annoncer que nous devions revivre éternellement à l'identique tout ce que nous avons déjà vécu, tout ce que nous vivons et tout ce que nous avons à vivre. Je vais lire ici pour que les choses soient bien claires. La formulation la plus complète et la plus précise de cette pensée, qui est aussi la première formulation publiée de cette pensée, c'est celle qui est donnée dans l'aphorisme 341 du Gai Savoir. Je vais lire simplement le début de l'aphorisme dans lequel le contenu de la pensée de l'éternel retour se trouve formulé de manière très précise. Que dirais-tu, si un jour, si une nuit, un démon se glissait jusque dans ta solitude la plus reculée et te dise « Cette vie telle que tu la vis maintenant et que tu l'as vécue, tu devras la revivre encore une fois et d'innombrables fois, et il n'y aura rien de nouveau en elle, si ce n'est que chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque gémissement, et tout ce qu'il y a d'indiciblement petit et grand dans ta vie devront revenir pour toi, et le tout dans le même ordre et la même succession. » Cette araignée-là également, et ce clair de lune entre les arbres, et cet instant-ci, et moi-même. L'éternel sablier de l'existence ne cesse d'être renversé à nouveau, et toi avec lui, au grain de poussière, de la poussière. Alors, la première chose que je voudrais dire concernant cette pensée, c'est qu'elle ne fonctionne pas, ici en tout cas, comme une thèse scientifique, ou métaphysique, ou cosmologique. Qu'il s'agit moins pour Nietzsche de nous convaincre de la vérité de l'éternel retour que de nous interroger, c'est d'ailleurs très clairement ce que dit l'aphorisme, nous interroger sur le retentissement moral et existentiel de cette pensée. Comment cette pensée agirait-elle sur nous? Nous remplirait-elle de joie ou de désespoir? Que se passerait-il si nous pensions qu'il nous fallait revivre éternellement à l'identique tout ce que nous vivons? Pour être plus précis, cette pensée a pour vocation de mettre ce qu'on pourrait appeler notre amour de la réalité à l'épreuve, ce qui est un thème qu'on trouve de manière très insistante chez Nietzsche, en particulier dans le Gai Savoir. Est-ce que j'aime suffisamment ma vie pour souhaiter son éternel retour? Et la pensée de l'éternel retour fonctionne comme une sorte de test ou d'exercice spirituel. M'exercer à penser que je revivrai éternellement à l'identique tout ce que je vis, c'est m'interroger sur la sincérité et l'intensité de mon adhésion au plan, pour reprendre un terme qu'utilise parfois Nietzsche, de mon existence. Voilà, c'est le premier point que je voulais souligner. Le second, c'est que cette pensée consiste aussi, et c'est la raison pour laquelle il peut être intéressant de l'aborder aujourd'hui, elle consiste aussi à faire un certain usage du temps, et que cet usage du temps consiste bien apparemment à chercher à nous défaire du temps, à chercher à nous libérer du temps et à créer les conditions, ou du moins à tenter de créer les conditions d'une abolition du temps. Et là, je me référerai à un texte ultérieur de Nietzsche, « Ainsi parlait Zarathoustra », la quatrième partie d'Ainsi parlait Zarathoustra et le chant qui s'intitule « À midi », dans lequel, une scène que je décrirai un peu plus précisément par la suite, dans un chant dans lequel Zarathoustra, à un moment, s'exclame « Est-ce le temps qui s'est enfui ainsi ?» Cette disparition du temps étant, je vais essayer de le montrer, en relation avec la pensée de l'éternel retour. Alors, évidemment, quand Zarathoustra dit « Est-ce le temps qui s'est enfui ainsi ?», la formule relève quasiment du jeu de mots. Le temps fuit, tempus fugit, disait Virgile, c'est bien connu, et la réalité et même la présence effective ou agissante du temps se signale précisément et paradoxalement par sa fuite. Le temps n'est là et nous n'avons le sentiment d'être prisonniers du temps que dans la mesure, je le disais déjà tout à l'heure, où le temps passe, où il fuit, où il n'est plus là, où il nous échappe. Or, c'est précisément cette fuite du temps dont Zarathoustra se demande si elle ne se serait pas elle-même enfuie. Alors, quel est le contexte, quelle est la scène imaginée par Nietzsche au sein de laquelle Zarathoustra, on arrive à se demander si le temps ne se serait pas enfui. Zarathoustra, il est midi, Zarathoustra a couru toute la journée et il est brusquement saisi, non pas exactement par la fatigue, mais par un sentiment de plénitude, de perfection. Une sorte de bonheur absolu qui le conduit à décider, après avoir longtemps couru, encore une fois, de s'allonger au pied d'un arbre et de s'endormir. Il s'endort, alors il s'endort d'une manière un peu étrange, puisqu'il dort tout en gardant les yeux ouverts, parce qu'il ne peut pas cesser de contempler le monde et de célébrer sa beauté. Quand il se réveille, il ne sait plus combien de temps il a dormi, et il a l'impression d'être tombé dans un puits d'éternité. Alors tout à l'heure, je faisais référence, j'évoquais la référence qui est faite dans le texte de présentation du thème des rencontres au lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne crois pas que Nietzsche ait lu Alice au Pays des Merveilles, même si la chose aurait été possible, puisque le livre de Lewis-Carroll a été traduit en allemand en 1869. Mais c'est vrai que la comparaison entre les premières pages d'Alice au Pays des Merveilles et ce chant de Zarathoustra est assez étonnante. Puisque Alice, au début d'Alice au Pays des Merveilles, se trouve dans la nature, elle est à côté de sa sœur, il fait chaud, bon, c'est pas midi, c'est plutôt l'après-midi, mais il fait chaud, elle s'ennuie, elle est sur le point de s'endormir, elle voit passer un lapin blanc qui sort une montre, inquiet, constate qu'il va être en retard, qui repart en courant, Alice le suit, et en le suivant, elle tombe dans un puits très profond. Le moins qu'on puisse dire, une fois qu'on a évoqué ces points de comparaison, c'est que le comportement de Zarathoustra, du Zarathoustra de Nietzsche, se distingue de celui du lapin de Lewis-Carroll. Et le puits dans lequel il tombe n'est pas exactement le terrier d'un lapin, mais c'est bien le puits de l'éternité. Et c'est à ce point-là que je voulais en venir. La pensée de l'éternel retour a précisément pour Nietzsche pour fonction de nous faire accéder à quelque chose comme une éternité. Alors une éternité en un sens peut-être métaphysique du terme, c'est-à-dire non pas l'idée d'un temps qui durerait longtemps, mais plus rigoureusement l'idée d'une sortie du temps, un peu à la manière dont saint Augustin, dans les Confessions, oppose le temps et l'éternité. La longueur du temps n'est faite que de la succession d'une multitude d'instants qui ne peuvent se dérouler simultanément. Au contraire, dans l'éternité, rien n'est successif, tout est présent, alors que le temps ne saurait être présent tout à la fois. C'est le chapitre 11 du livre 11 des Confessions. Et la pensée de l'éternel retour, du point de vue de Nietzsche lui-même, peut être considérée comme une tentative pour accéder à une telle éternité. Nietzsche le dit d'ailleurs dans un fragment, « Imprimons à notre vie l'image de l'éternité ». Alors s'il s'agit pour Nietzsche d'imprimer à sa vie l'image de l'éternité, c'est que, de manière plus précise, il s'agit pour lui de donner à chaque instant de son existence l'importance, la consistance, la signification de l'éternité. Ce que je vis n'a évidemment plus le même sens si je pense que je dois le revivre éternellement. La question qui préoccupe Nietzsche, à l'époque où il invente, entre guillemets, cette pensée de l'éternel retour, c'est en effet, en référence à Héraclite, la question de l'action sur moi, de l'influence, de l'effet que peut exercer sur moi la pensée de ce que Nietzsche appelle l'éternel écoulement de toute chose. Ce qu'il appelle aussi l'éternel fleuve, en référence encore une fois à Héraclite, et l'idée dont Nietzsche est convaincu et qui constitue vraiment pour lui une sorte de vérité, de thèse, pour le coup ici, l'idée que rien ne se répète, que tout passe, que tout change, que tout coule, pour reprendre la formule d'Héraclite. Nietzsche est préoccupé par l'influence de cette pensée sur moi parce que cette pensée risque de me rendre nihiliste. Elle risque de me rendre nihiliste. Pourquoi ? Parce que si tout passe, si tout change, alors il semblerait que rien ne compte vraiment pour moi, que rien n'ait vraiment de sens, que la signification ou la valeur de toute chose se trouve réduite et peut-être même abolie par la pensée de cet écoulement. Que ce soit une chose joyeuse, puisque la joie ne saurait être qu'éphémère, ou douloureuse, puisqu'à ce moment-là, il suffit d'attendre que la douleur soit passée. Donc on voit bien ici, d'ailleurs, par parenthèse, que le nihilisme n'est pas du tout la même chose que le pessimisme. Le nihilisme nous empêche sans doute d'aimer vraiment la vie et de l'accepter, mais le nihilisme nous permet aussi, en un sens, de supporter l'existence, puisque quand on est nihiliste, tout est relatif, tout passe, et encore une fois, il suffit d'attendre que les choses changent. Donc la question de Nietzsche, et c'est cette question à laquelle il s'efforce de répondre avec la pensée de l'éternel retour, c'est comment donner de l'importance à ce qui est immédiat, petit, fugitif. Eh bien, tout simplement, en pensant et en s'incorporant la pensée du fait que tout ce qui est immédiat, petit, fugitif, reviendra et reviendra éternellement. Alors, je voudrais maintenant rapidement évoquer le caractère éminemment problématique de cette pensée. Cette idée d'une éternelle répétition de toute chose pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, que j'évoquerai simplement en passant, c'est que l'idée de retour et de retour éternel à la fois implique et exclut celle de la fuite du temps. Il faut bien que le temps passe pour qu'il puisse revenir, mais en même temps, s'il revient, c'est qu'il ne passe pas vraiment. Donc il y a entre les deux à la fois une implication et une exclusion réciproque entre ces deux idées. Deuxièmement, cette idée de l'éternel retour est en fait une idée qui est impossible à expérimenter. Là, c'est ce que Vladimir Jankélévitch a bien montré dans l'irréversible et la nostalgie. La question cruciale ici, c'est celle de la mémoire. C'est-à-dire que de deux choses l'une, soit je me souviens d'avoir vécu ce que je revis, et à ce moment-là, si je l'ai déjà vécu, eh bien, je ne le revis pas à l'identique. Hein, on pourrait ici mobiliser une argumentation de type bergsonienne, hein, qui consisterait à dire que le fait d'avoir vécu une expérience modifie la manière avec laquelle je la vis, et il est impossible de vivre deux fois la même chose. Hein. Soit je ne me souviens pas de l'avoir déjà vécu, et c'est quand même, semble-t-il, le cas, puisque je n'ai pas l'impression d'avoir vécu déjà éternellement cette situation dans laquelle je me trouve actuellement. Et à ce moment-là, si je ne m'en souviens pas, eh bien, qu'est-ce que cela change de l'avoir déjà vécu ? Voilà. Donc, l'idée d'éternel retour à la fois exclut et implique non seulement l'idée de l'écoulement de toute chose, mais l'idée que j'aurai la mémoire, le souvenir de ce que j'ai déjà vécu. Ces deux raisons pour lesquelles on peut considérer que la pensée de l'éternel retour est problématique expliquent que la pensée de l'éternel retour n'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni une thèse cosmologique ou métaphysique qui nous dirait quelque chose sur la réalité objective du temps, ni non plus une expérience subjective du temps. On a tendance souvent à opposer la question du temps objectif et celle du temps subjectif, d'un temps vécu, d'une expérience subjective du temps. Et bien finalement, la pensée de l'éternel retour ne concerne vraiment ni l'une ni l'autre de ces deux questions. Puisqu'à ces deux points de vue, la pensée de l'éternel retour finalement est illogique et contradictoire. En fait, c'est une pensée qui ne trouve son sens et sa cohérence qu'à condition d'être considérée comme une question, comme un point d'interrogation. Que dirais-tu si l'on t'annonçait que tu dois revivre tout ce que tu vis éternellement à l'identique ? Alors, une fois précisé ce point-là qui me semble vraiment essentiel, il y a deux manières d'envisager la vie qui peuvent impliquer cette pensée de l'éternel retour et qui la rendent, je trouve, particulièrement intéressante. La première consiste à envisager l'éternel retour de toute chose à propos de chacun des moments de mon existence. La question de l'éternel retour se pose d'abord à propos de chacun des instants de ma vie. Notre tâche nous réclame à chaque instant. C'est ce que dit Nietzsche dans un fragment. Dans la Faust 341 que je citais tout à l'heure, il dit « chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée, chaque gémissement ». Chacun des moments de notre vie, chacune des parties de ce tout doit avoir pour moi une valeur et une signification. Suis-je capable de penser et de désirer son éternel retour ? Donc, une telle question me conduit à envisager chacune des parties de ma vie comme un tout, et même comme un tout infini, et à me demander si je serais capable de revivre cette partie éternellement. Donc, au fond, si je serais capable de ne vivre que tel ou tel moment de mon existence, puisque je le vivrai éternellement. Comment réagirais-je si on m'annonçait que je ne dois vivre que ce que je suis en train de vivre actuellement ? Voilà la première manière d'interpréter cette question de l'éternel retour. Deuxième façon de la poser, elle consiste à poser la question de l'éternel retour, non pas à propos de chacune des parties de mon existence, mais à propos, au contraire, de la totalité de mon existence, hein, de ce que Nietzsche appelle parfois un destin ou un fatum, hein, pour utiliser le terme latin qu'il utilise parfois. Hein. Et dans l'Aphorisme 341 que je citais tout à l'heure, il dit « chaque douleur et chaque plaisir », mais il évoque aussi l'ordre et la succession de chacun des instants de mon existence, et ma vie est bien pensée ici comme une totalité. Voilà. Et la question de l'éternel retour doit être posée, à mon avis, de ces deux points de vue. Donc la question de l'éternel retour, elle consiste à se demander si je peux désirer revivre la totalité de mon existence et son devenir et son écoulement. Donc la pensée de l'éternel retour, elle doit m'inciter à apprendre à aimer mon existence, mais à l'aimer aussi comme un devenir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de nier l'écoulement du temps, de nier le fait que dans ma vie, je change, et que dans ma vie, je ne cesse même de changer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Zarathoustra, quand il se réveille, quand il ressort de son puits d'éternité, se sermonne lui-même et dit « Debout, faiseur de grâce matinée en plein midi, allons debout, vieilles jambes, il est temps et grand temps, il vous reste encore bien du chemin à faire ». Voilà. Alors, quelle est maintenant la fonction ? Je crois que j'ai parlé déjà pas mal de temps. Quelle est maintenant, si on essaye de dégager de cette analyse, la fonction la plus précise et la plus essentielle de cette pensée de l'éternel retour ? Il me semble que elle consiste à essayer de vivre son existence comme un devenir, mais sans que ce devenir nous rende nihiliste. Si on veut mobiliser une distinction qui est forgée par un autre philosophe que Nietzsche, qui s'appelle Wilhelm Dilthey, qui distingue entre la signification des parties et le sens du tout, bon, parfois on confond les deux, la signification et le sens, mais Dilthey distingue les deux en distinguant notamment la signification d'un mot dans une phrase pardon, et le sens de cette phrase. La pensée d'éternel retour, il me semble qu'elle a pour fonction de faire en sorte que notre vie ne perde ni son sens ni sa signification. Ne perde pas sa signification, parce que chaque instant de ma vie, si je le vis dans la pensée de l'écoulement de toute chose, risque de perdre sa densité et risque de ne jamais pouvoir devenir un moment d'existence, un moment dans lequel je puisse m'investir vraiment et ne soit qu'une image éclair, comme le dit Nietzsche, du devenir qui disparaisse aussitôt apparu. Donc il s'agit de faire en sorte que le présent, le moment présent, puisse avoir une signification pour moi et ne se réduise pas encore une fois à un instant infinitésimal. Et il s'agit de faire en sorte également que le tout de mon existence ne se noie pas dans le fleuve du devenir et de l'éternel écoulement de toute chose et puisse avoir une véritable consistance, donc que je puisse donner une forme, un ordre à cette totalité de mon existence pour qu'elle devienne ce que Nietzsche appelle un fatum ou un devenir ou un destin. Mais vous voyez, ce qui est intéressant dans la pensée de l'éternel retour, c'est qu'elle ne nie pas le fait que mon existence soit aussi un devenir. Donc l'éternel écoulement de toute chose reste pour Nietzsche une thèse, et même une sorte de vérité. Mais il s'agit de neutraliser le pouvoir qu'aurait cette thèse de nous rendre nihilistes en détruisant à la fois la signification de chacun des moments de notre existence et le sens de la totalité de cette existence. Voilà, bon, j'ai résumé un peu ce que je voulais dire, mais il me semble que j'ai dit l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup, Olivier, pour cet exposé. Très clair, hein, c'est rare d'avoir des exposés clairs sur l'éternel retour chez Nietzsche, je peux vous l'assurer. Et il est vrai aussi que c'était une perspective qui prend une ligne d'interprétation assez engagée, hein, puisqu'il y a des lectures cosmologiques, hein, de la thèse de l'éternel retour. Peut-être pourra-t-on y revenir dans la discussion. J'ai manqué, et j'en suis désolé, aux exigences de ma fonction, qui pourtant ne sont pas, qui pourtant sont très modestes, c'est de présenter tout de même l'intervenant qui vient de vous exposer une doctrine de Nietzsche. Olivier Ponton, donc, est professeur en classe préparatoire au lycée du Parc. Et il a soutenu sa thèse de doctorat sur Nietzsche, sur le thème de l'allègement de la vie. Le livre s'intitule « Philosophie de la légèreté », hein, c'est ça, hein, publié chez Walter de Gritter. en 2007. Et récemment, il a publié une étude sur le Gai Savoir de Nietzsche, un livre à mon sens fabuleux. Le Gai Savoir de Nietzsche, une manière divine de penser, aux éditions du CNRS en 2018. Voilà, je répare ce tort. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Mais les Nietzschiens n'éprouvent pas de ressentiment, c'est bien connu. Bien. Donc, puisqu'il était question de jouer la thèse de l'éternel retour du côté de sentiments vécus contre l'idée d'une thèse cosmologique et d'une réalité du temps qui serait objective, il est de bon ton de donner la parole à, successivement à Muriel Cahen et Elie Düring, qui vont plutôt nous parler de cette réalité objective, si j'ai bien compris. Muriel Cahen, d'abord, qui est professeur en classe préparatoire également, mais à Villemomble, au cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Elle est membre du groupe d'études en métaphysique du Collège de France que dirige Claudine Tiercelin. Et elle a soutenu une thèse sur le temps sous la direction de Frédéric Neff, qui porte sur la structure du temps, ontologie et représentation. Elle a publié également des études sur le temps dans une perspective d'ordre métaphysique. Elle vous expliquera tout ça, j'imagine, incessamment. Bonjour. Je tenais d'abord à remercier les organisateurs et les organisatrices des rencontres du RIAGE de m'avoir donné l'occasion de parler. Je remercie aussi Olivier Pouton pour son intervention qui était absolument passionnante. Et les intervenants précédents aussi. Donc, effectivement, je ne vais pas me situer exactement dans la même perspective aujourd'hui, mais en fait, ce qu'a dit Olivier va m'être utile. Le temps, c'est je pense pour ça qu'il a été entre autres choisi comme thème de ces rencontres philosophiques du RIAGE, est une notion vraiment typiquement philosophique, en ce que c'est à la fois une notion extrêmement courante, comme on atteste l'usage constant du mot dans le langage courant, et on l'a vu encore ce matin. On emploie énormément, en même temps, longtemps, tout ça. Et c'est une notion extrêmement problématique en ce qu'elle soulève de nombreux paradoxes, les problèmes notamment qui viennent d'être soulevés, et aussi, peut-être en premier lieu, celui que soulève Augustin, donc dans le texte, effectivement, qu'a mentionné Olivier, du livre 11 des Confessions, où Augustin nous dit « Qu'est-ce donc que le temps ?» Si personne ne me le demande, je le sais. Si je cherche à l'expliquer à celui qui m'interroge, je ne sais plus. Alors, il y a plusieurs raisons à cette perplexité, à cet étonnement philosophique. Mais la principale est peut-être que, même si c'est une notion absolument fondamentale pour notre conception du monde, pour notre rapport au monde, même si le temps est quelque chose dont on suppose spontanément qu'il existe, eh bien, nous ne percevons pas le temps. Alors, on perçoit des choses qui sont dans le temps, hein, notamment des événements, c'est-à-dire des choses qui adviennent, qui durent un certain temps, puis qui disparaissent. Hein. Par exemple, le passage d'un bateau, une douleur, un son. On perçoit peut-être aussi des changements, par exemple, le changement de position de l'aiguille des secondes d'une horloge, le changement de couleur des feuilles, là, on perçoit très bien entre l'été et l'automne. Mais on ne perçoit pas le temps lui-même. Alors, dans la perspective empiriste que j'adopterai ici, c'est-à-dire une perspective où nos idées nous viennent quand même de nos perceptions, qu'elles soient nos perceptions externes par les cinq sens ou nos perceptions internes, cette absence de perception du temps pose deux questions. La première, c'est mais d'où nous vient notre idée de temps? Si on ne perçoit pas le temps, comment ça nous est venu? Et la deuxième, si on ne perçoit pas, c'est est-ce que le temps existe bien? Est-ce que cette idée qu'on a correspond bien à quelque chose? Alors, je me concentrerai surtout sur la première question, mais je ne négligerai pas la seconde parce qu'en fait, elle lui est liée. C'est-à-dire que si notre idée de temps nous vient d'impressions purement internes qui correspondent à rien dans le monde extérieur, c'est un argument contre la réalité du temps. Si au contraire, l'idée de temps vient bien de la perception de choses qui objectivement constituent un temps réel, alors c'est un argument en faveur de la réalité du temps. Alors, la réponse d'Augustin d'Hippone à la première question sur l'origine de notre idée de temps va de pair avec une réponse négative, plutôt négative en tout cas, à la question sur la réalité du temps. Il dit essentiellement que notre idée du temps vient de la différence entre trois attitudes mentales. La mémoire, qui nous donne l'idée du passé, l'attention ou la perception, qui renvoie au présent, et l'attente du futur. Mais il dit que le passé n'existant plus, le futur n'existant pas encore, et le présent étant en fait le passage entre ce qui n'existe pas encore et ce qui n'existe plus, le temps n'a pas vraiment de réalité objective indépendamment de notre esprit et de ces trois attitudes mentales. Bon, mais d'un autre côté, le temps peut aussi être conçu autrement que comme cette division entre le passé dont on se souvient, le présent auquel on fait attention et le futur qu'on attend. Notamment, le temps peut être conçu à partir des événements qui adviennent dans le monde. C'est sur ce quoi a insisté Leibniz, surtout dans sa correspondance avec Clark. Leibniz qui conçoit que le temps n'est pas essentiellement une différence entre le passé, le présent et le futur, mais c'est avant tout un ordre de ce qui est incompatible. Par exemple, la couleur verte d'une feuille en été est incompatible avec la couleur rouge de cette même feuille en automne. Et comme ces deux couleurs sont incompatibles, eh bien nécessairement elles doivent se succéder. Et c'est cet ordre de succession entre les choses incompatibles qui fait qu'il y a du temps. De même, si on prend une personne, quelconque, Monsieur Dupont, eh bien sa naissance, son âge adulte, sa mort sont des événements incompatibles et donc doivent nécessairement se succéder. Il en va de même pour la construction du mur de Berlin et sa chute. Donc ainsi compris, on peut se concevoir le temps comme l'ordre des incompatibles de ce qui ne peut pas exister au même moment, donc de ce qui se succède. Alors plus précisément, les événements incompatibles constituent chacun des séries de succession, donc la série des différentes couleurs de la feuille, la série des étapes de la vie de Monsieur Dupont, la série de l'histoire de la chute du mur. Et les événements qui constituent ces séries entretiennent aussi entre eux des relations de simultanéité. Par exemple, peut-être que Monsieur Dupont est né au moment de la construction du mur de Berlin, qu'il a fêté ses 28 ans au moment de la chute du mur de Berlin, qu'il est mort ensuite. Et ce qu'on peut alors concevoir, c'est qu'en considérant simplement ces événements, leur relation donc de succession au sein de chaque série et leur relation de simultanéité, eh bien on peut concevoir un temps global, unifié, qui est l'ordre des événements. Donc, par exemple, si on sait que M. Dupont est né lors de la construction du mur de Berlin, et qu'il est mort beaucoup plus tard, mais on peut savoir, même si ces deux événements ne sont pas a priori reliés, que la construction du mur de Berlin a précédé la mort de M. Dupont. Voilà. Et donc, en reliant les événements qui entretiennent tous à la fois des relations de simultanéité et des relations de succession, on peut concevoir le temps, un temps objectif, fondé sur les événements qui sont réels et leurs relations qui sont bien fondées. C'est ce qu'on appelle une conception relationniste du temps, où finalement le temps est une entité dérivée des événements, des relations qu'ils entretiennent. Mais c'est une entité bien réelle, hein, puisque ces événements et leurs relations sont réels. Alors la question qui va nous occuper, c'est de savoir si une telle conception relationniste du temps pourrait nous permettre de trouver l'origine de notre idée de temps. Alors ça supposerait notamment l'origine perceptive dans notre perspective empiriste. Ça supposerait quoi ? Ça supposerait que ce qui constitue le temps, selon cette conception, c'est-à-dire à la fois les événements et leurs relations, soit perceptible. Alors les événements tels qu'on les a conçus, hein, comme des choses qui adviennent, qui durent un certain temps, sont perceptibles. C'est-à-dire que la naissance de M. Dupont, c'est quelque chose de perceptible. la construction du mur de Berlin aussi, la couleur d'une feuille verte, tout ça, c'est perceptible. Alors, quand les événements se succèdent un peu trop rapidement, on ne peut peut-être pas tous les percevoir, mais globalement, ce sont des entités réelles avec des qualités sensibles qui nous permettent de les voir, de les entendre, de les sentir. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas en soi problématique. Ce qui pose problème, ce sont les relations de simultanéité et de succession que ces événements entretiennent, parce que ces relations en tant que telles, elles n'ont pas de couleur, elles n'ont pas de son, elles n'ont pas d'odeur qui nous permettrait de les percevoir. Le fait que deux événements soient simultanés en soi, ça n'a aucune qualité sensible. Le fait que deux événements se succèdent, non plus. Et pourtant, on a bien l'impression de percevoir, ou en tout cas de ressentir quand deux événements se succèdent ou quand deux événements sont simultanés. La question, c'est donc de savoir d'où nous viennent ces idées. Alors, on pourrait d'abord penser que ces impressions de simultanéité ou de succession entre les événements qu'on perçoit sont dues à la simultanéité ou à la succession des perceptions dans lesquelles ces événements nous sont donnés. Donc, dans cette hypothèse, on percevrait comme successifs des événements qu'on perçoit dans des perceptions elles-mêmes successives. Par exemple, si j'ai une première perception où je perçois un bateau en aval de la rivière, en amont de la rivière, pardon, et une deuxième perception où je perçois le bateau en aval de la rivière, je dirais que mes perceptions se succèdent. Donc, les événements présentés dans ces perceptions se succèdent. D'abord, le bateau était en amont, puis il a été en aval. Et inversement, on se représenterait la simultanéité des événements qu'on perçoit dans une même perception. Donc si dans une même perception, je vois à la fois un oiseau en train de s'envoler et une voiture en train de démarrer, mais je dis tiens, ces deux événements sont simultanés. Et en fait, cette façon de rendre compte de nos impressions de simultanéité et de succession est insatisfaisante. D'abord parce que ces jugements seraient faux, et ensuite parce que c'est pas comme ça qu'ils sont établis. Alors ça, en ce qui concerne la succession, Kant l'a très bien montré dans la critique de la raison pure, où il dit qu'en fait, le fait que deux perceptions se succèdent ne suffit pas du tout pour juger que les événements présentés dans ces perceptions, eux-mêmes, objectivement, se succèdent. Alors il dit certes, si on perçoit d'abord dans une première succession un bateau en amont, puis dans une deuxième perception un bateau en aval, on va juger que le bateau était bien en amont de la rivière avant d'être en aval. Mais il dit, mais par contre, si on regarde une maison par exemple de haut en bas, une première perception je vois le toit de la maison, puis une seconde perception ensuite je vois le sol de la maison, enfin le seuil, je ne vais pas du tout juger que objectivement le toit de la maison est avant le seuil de la maison. Et j'aurais bien raison. À la limite, l'inverse, je suis lors de construction de maison, mais non. Bon. Donc, ils disent que ça ne suffit pas. Et la solution de Kant, pour expliquer comment on arrive parfois à dire qu'il y a une succession objective entre les événements, c'est de dire qu'il faut faire attention à ce qui nous est présenté dans le contenu même de ces perceptions, pas seulement dans l'acte de succession, pas l'acte de perception, mais vraiment dans le contenu. Il dit, voilà, on arrive à concevoir qu'il y a une succession objective quand on conçoit des relations de cause à effet entre les événements qui sont perçus. Il dit, voilà, il y a bien une relation de cause à effet entre le fait que le bateau soit en amont de la rivière puis en aval, et comme la cause précède son effet, objectivement, eh bien on dit que le bateau était en amont de la rivière avant d'être en aval. Alors cette réponse de Kant, elle est, à mon sens, aussi insatisfaisante, enfin, pas autant insatisfaisante, mais elle est également insatisfaisante, au sens où elle est trop restrictive. C'est-à-dire que parfois, on a bien des impressions de succession, là où, entre des événements, là où apparemment, il n'y a pas vraiment de relation causale. Par exemple, je peux très bien entendre une sonnerie de téléphone et puis voir la pluie tomber, et juger qu'il y a une relation de succession entre ces deux événements-là, alors même qu'il n'y a aucune relation causale entre eux. Donc pour essayer de trouver une conception peut-être moins restrictive qui puisse mieux rendre compte de nos impressions de succession, on peut peut-être revenir à l'analyse que nous donnait Leibniz de la succession comme ordre de ce qui est incompatible, et du temps comme ordre de ce qui est incompatible. Qu'est-ce qui est incompatible ? On l'a dit, ce sont par exemple deux couleurs d'une même feuille ou deux positions de l'aiguille des secondes d'une montre. En gros, ce qui est incompatible, ce sont deux propriétés ou deux qualités qui sont du même ordre. Donc par exemple, deux couleurs pour la feuille, deux positions, et qui sont attribuées au même objet, donc à la même feuille, sinon ce n'est pas vraiment compatible, et à la même horloge, si elle n'a qu'une seule aiguille des secondes. D'accord ? Faut aussi que ce soit au même endroit, parce que si une feuille est bicolore, qu'elle a une partie rouge et une partie verte, ça n'implique pas de succession. À partir de là, on peut rendre compte effectivement du fait qu'on conçoit une succession objective entre les positions du bateau et pas entre les parties de la maison. S'il y a un seul bateau, ces deux positions, en amont et en aval du fleuve, sont incompatibles et donc doivent nécessairement se succéder. Au contraire, certes, il y a une différence entre le toit et le seuil de la maison, mais comme ce sont dans des parties spatiales différentes de la maison, il n'y a pas nécessairement de succession. En d'autres termes, dans le premier cas, il y a un changement qui est impliqué entre les deux positions du bateau, alors que dans le deuxième cas, il n'y a pas de changement qui est impliqué. Alors, pour que il y ait bien une incompatibilité, par exemple, entre les deux positions du bateau, il faut que ces deux positions soient bien attribuées au même bateau. D'accord ? Parce que si j'ai une perception avec un bateau et une autre, dans une position, et une autre perception avec un autre bateau, enfin, en tout cas, une autre perception de bateau dans une autre position, il n'y a rien qui m'assure que ce soit le même bateau. Donc il faut que quelque chose m'assure que ce soit le même bateau. C'est pareil donc, dans l'exemple où je vous ai fait un petit schéma. Voilà. Si je regarde un oiseau en train de s'envoler, je vois d'abord un oiseau sur sa branche, puis l'oiseau en train de prendre son envol, puis l'oiseau en train de battre des ailes. Voilà. C'est un schéma extrêmement basique. Hein. Je suis navrée. Mais j'espère qu'il a le mérite de la clarté. Bon, si j'ai une première perception où je vois l'oiseau sur sa branche, puis après un autre acte de perception où je vois un oiseau en train de s'envoler, il n'y a rien qui m'assure en fait que c'est bien le même oiseau, et donc qu'il y a bien un changement de position, et que ce sont bien deux choses incompatibles. Donc pour que je puisse percevoir vraiment le changement et percevoir l'incompatibilité, il faut que mon acte de perception soit étendu, qu'il puisse comprendre par exemple à la fois la perception de l'oiseau sur sa branche et son envol. C'est ce que William James appelle un présent spécieux. Donc en fait, ma perception, elle est étendue, et elle me permet donc, au cours d'une seule et même perception, de voir qu'il y a bien un seul et même objet dans des positions différentes, et de voir vraiment le changement de position. Donc ça me permet de percevoir en fait le changement, et donc la succession. Le problème, c'est que du coup, je ne peux plus rendre compte de la simultanéité entre deux événements, par le fait qu'ils sont perçus dans un même acte de perception. Parce que là, je perçois bien l'oiseau sur sa branche et l'oiseau en train de s'envoler dans un même acte de perception. Mais clairement, ils ne sont pas simultanés. Et je dis bien que ces deux choses-là ne sont pas simultanées. Alors du coup, comment on rend compte de la simultanéité ? Maintenant qu'on a rendu compte de la perception de la succession, comment on rend compte de la perception de simultanéité ? Alors, pour nous aider à répondre à cette question, je vais faire appel à Russell, qui est son analyse dans un article de 1915, qui s'appelle « Sur l'expérience du temps ». Et ce que nous montre Russell, c'est qu'en fait, les présents spécieux, nos actes de perception étendue qui nous permettent de percevoir la succession, ne se succèdent pas strictement les uns les autres. En fait, ils se recouvrent, ils se tuilent, ils se chevauchent. Par exemple, il y a un premier présent spécieux qui comprend l'oiseau sur sa branche et l'oiseau en train de s'envoler. Puis un second présent spécieux qui comprend à la fois l'envol de l'oiseau et ses battements d'ailes. C'est ce qui me permet de suivre l'oiseau pendant plus que une ou deux secondes, c'est la durée estimée très approximativement d'un présent spécieux. Et ça me permet donc de suivre les différentes étapes de l'envol de l'oiseau. Et il dit, au sein de chacun de ces deux présents spéciaux, il y a bien des événements qui sont certes perçus ensemble, au sens où ils sont perçus dans un même acte de perception, mais qui ne sont pas considérés comme simultanés, puisque clairement, tous ces événements-là sont incompatibles. Mais ce n'est pas le cas de tous les événements. Ce que nous dit Russell, c'est que pendant que je perçois l'oiseau sur sa branche, je peux percevoir aussi, dans le même champ de vision, la voiture d'un ornithologue qui suit l'oiseau et qui est à l'arrêt quand l'oiseau est sur sa branche, et pendant que l'oiseau s'envole, bam, elle se met en marche et elle le suit. Il nous dit, voilà, donc il y a deux présents spécieux qui comprennent des événements dont certains sont successifs. D'accord ? Par exemple, l'oiseau sur sa branche et la voiture en marche ne sont pas en eux-mêmes incompatibles, hein, et sont perçus ensemble dans le premier présent spécieux, mais ne sont pas pour autant jugés simultanés. Pourquoi ? Bien, parce que même si ils sont perçus ensemble dans le premier présent spécieux, qu'ils appartiennent bien au même acte de perception à un moment donné, dans le premier présent spécieux, ils ne sont plus du tout perçus ensemble dans le second présent spécieux, où là, la voiture en marche est perçue sans que ne soit perçu l'oiseau sur sa branche. Et à partir du moment où, même si parfois ces événements sont perçus ensemble, parfois ils ne sont plus perçus ensemble, ça suffit à nous indiquer que ces deux événements ne sont pas simultanés. Au contraire, il y a des événements qui sont toujours perçus ensemble, quel que soit le présent spécieux. C'est le cas, par exemple, du début de l'envol de l'oiseau et de la fin du stationnement de la voiture. C'est aussi le cas de la fin de l'envol de l'oiseau et du début de la marche de la voiture. Et ce que nous dit Russell, c'est que quand deux événements sont toujours perçus ensemble, dans tous les présents spécieux, alors là, on juge qu'ils sont simultanés. Et on a raison de le faire, parce que, objectivement, ces événements sont simultanés. Donc, il va falloir absolument que je conclue. Donc, en d'autres termes, ce que nous disent les conceptions relationnistes du temps d'un point de vue métaphysique qui concernerait le temps objectif, c'est qu'on peut concevoir le temps comme l'ensemble des événements et de leurs relations de succession et de simultanéité. Plutôt la totalité des événements qui existent, étant donné qu'ils entretiennent des relations de succession et de simultanéité. Et cette conception pourrait nous permettre de comprendre comment on a une idée du temps qui pourrait correspondre à ce temps tel qu'il existe objectivement. Parce que les événements sont perceptibles. Et parce que même si les relations de succession et de simultanéité en tant que telles ne sont pas immédiatement perceptibles, eh bien la perception, notamment la perception étendue dans le temps, nous donne de quoi nous représenter la succession objective et la simultanéité objective des événements. À partir de là, on peut concevoir un temps unifié, ou par exemple, en concevant la précédence entre, ou la relation de succession entre l'oiseau sur sa branche et son envol, la simultanéité entre l'envol de l'oiseau et la marche de la voiture, enfin, et l'arrêt de la voiture, puis la simultanéité entre la fin de l'envol de l'oiseau et le début de la marche de la voiture, eh ben, je peux tout à fait me représenter que l'oiseau sur sa branche précède la marche de la voiture, même si ces deux événements ne sont pas immédiatement reliés. Et je peux ainsi me représenter un temps unifié qui correspond au temps tel qu'il existe réellement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Muriel, pour cet exposé. En t'écoutant, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe quand rien ne se passe, quand il n'y a pas d'événement ? Dans le sens où est-ce que c'est une perception simple, synesthésique de notre corps qui continue, lui, à structurer un monde d'événements intérieurs qui nous permet de percevoir le temps quand il y a des objets fixes ? Ou est-ce qu'il y a du temps objectif, même quand des objets sont fixes, qu'il n'y a pas de succession justement visible, perceptible. Mais on verra ça plus tard, puisqu'il est temps de donner la parole à Elie Düring, qui enseigne la philosophie à l'université de Paris-Nanterre et également aux Beaux-Arts. Puisqu'en fait, ses recherches portent à la fois sur les sciences et les arts, hein, au croisement de philosophie, sciences et arts, et elles tournent autour des questions spatio-temporelles, notamment la question de la coexistence temporelle. Donc, à côté d'un livre qui est sorti récemment sur Glenn Gould, aux éditions de la Philharmonie de Paris, il a édité un certain nombre de textes, notamment de Bergson, Durée et simultanéité, ou la petite, c'est une conférence ou un article, je ne sais plus, Le souvenir du présent. Voilà, si vous voulez lui poser des questions ensuite sur l'illusion de déjà-vu. C'est un beau texte de Bergson. Et sur Paul Langevin également, sur le paradoxe des jumeaux en théorie de la relativité. Autrement, il a écrit « Le futur n'existe pas », un livre sur le rétrofuturisme, et « Faux raccord », qui porte sur la coexistence des images, notamment au cinéma. Je lui donne la parole. Merci beaucoup. Je suis un peu intimidé de prendre la parole après les deux exposés très, très charpentés, fermement démonstratifs sur Nietzsche et sur la question du successif et du simultané. Ce que je vais vous présenter va peut-être vous paraître plus exploratoire. Il y a quand même une sorte de matrice que je veux présenter, ou ce qu'on appelle plus modestement un plan, un plan de route, quoi. Et en fait, qui m'a été inspiré par une méthode générale que Gilles Deleuze a énoncée, et qui consiste à dire, au fond, si on veut identifier la fonction créative de la philosophie, chez un philosophe, par exemple, et j'en évoquerai principalement deux, je vais les nommer dans un instant, il faut faire trois choses, il faut identifier trois choses. Il faut identifier d'abord une erreur globale que le philosophe a repérée, une erreur qui l'agace, qui l'irrite et qui veut corriger. Il faut réparer un oubli, il faut que le philosophe ait l'envie, le désir de faire reconnaître quelque chose qui aurait été oublié, occulté, négligé. Bon. Et puis, et c'est le principal, c'est là que se concentre la vraie fonction créatrice, il faut produire un concept. Il faut reformuler le problème avec des idées ou des concepts adéquats pour réparer l'erreur et l'oubli. Donc, très modestement, j'adopte cette grille de lecture pour mon compte et pour essayer de répondre à la question de la réalité du temps. Existe-t-il ? Alors, moi, je me suis engagé à dire « que fait-il ?» à la fin. Mais pour répondre à cette question, justement, je veux suivre la matrice deleuzienne. Et donc, pour moi, l'erreur, elle est... Donc, dans un premier moment critique, il y a l'erreur et l'oubli. Il faut pointer l'erreur, pointer l'oubli. L'erreur, elle est très simple. C'est que quand on parle de la réalité ou de l'irréalité du temps, son caractère réel ou irréel, il y a une erreur qui est généralement commise, à mon sens, concernant la nature du problème. Et ça touche vraiment à la nature de l'idée même de temps. C'est-à-dire, pour l'expliquer rapidement, mais je reviendrai dessus, on a tendance à considérer que le temps est quelque chose, une réalité, justement, et même généralement quelque chose qui s'apparente à du processus, qui a donc beaucoup d'affinités avec ce que couramment on appelle le changement ou le mouvement même. On pense le temps comme un archimouvement, une sorte de fleuve invisible qui coulerait sous les choses, qui porterait tous les processus, toutes les durées locales, ponctuelles, dont on fait l'expérience. Et évidemment, comme l'a rappelé Muriel Cahen, le problème, c'est qu'on ne le voit pas, que ce fleuve est précisément invisible. Et c'est ça qui nourrit le doute. On se dit, ce truc n'existe peut-être pas. Mais la difficulté, c'est... Vous voyez, le problème surgit de sa réalité ou de son irréalité sur le fond d'un présupposé, c'est qu'on pense que s'il existe bien, ce sera quelque chose du genre processus. Bon, alors, lutter contre cette erreur, c'est dire que le temps est tout à fait autre chose qu'un processus. Kant disait, puisqu'il a été cité, que s'il y a bien une chose qui ne change pas, c'est le temps. Bon. Que le temps n'est pas soumis lui-même au changement. Bon, c'est pas un mouvement, c'est pas un processus, c'est autre chose. Et peut-être c'est pas une chose du tout. Bon, premier point. Donc je développerai, évidemment, là, c'est un effet d'annonce. L'oubli, qu'est-ce qu'on a oublié ? Ce que généralement on oublie est pour la même raison, parce qu'on est focalisé sur l'idée du processus, l'idée du flux, du flot, du fleuve, les métaphores hydriques qui soutiennent notre pensée du temps. Pour cette raison précisément, on a tendance à négliger quelque chose de fondamental, c'est que le temps n'est pas simplement ce qui nous emporte, c'est pas simplement ce cours incessant, ce flux irréversible, c'est aussi ce qui nous enveloppe. Et ce que je veux dire par là, c'est très simple, c'est la dimension du « en même temps ». C'est-à-dire qu'on est porté par un flux, mais en même temps, il y a d'autres choses qui se passent. Une autre façon de le dire, c'est que ce flux est multiple. Il diffuse à travers tout l'univers, extensivement, latéralement, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Et souvent, le plus souvent, des choses qu'on ne perçoit pas. Donc pas des voitures qui démarrent au moment sous la branche, mais des voitures qui démarrent ailleurs, à New York ou à Shanghai, et dont on n'a aucune connaissance. Bon, c'est la question ou la dimension du simultané dont je pense qu'elle a été généralement négligée, alors même que certains grands philosophes, et parmi les plus créatifs, ont fortement marqué le fait que c'était une dimension sui generis du temps. C'est une dimension temporelle. Le simultané, ça n'est pas l'espace. C'est la dimension des choses qui coexistent ensemble dans le temps, dans la dimension du en même temps. Voilà. Et ça pose des problèmes spécifiques qui sont liés à la totalisation du temps, c'est-à-dire à l'idée qu'on se fait, l'espoir qu'on nourrit que le temps pourrait être unifié, que quand on dit le temps, en général, on en parle au singulier. Alors après, on mesure des temps, on perçoit éventuellement des temps, mais quand on forme le concept de temps, qu'on formule des positions, des problèmes philosophiques relatifs au temps, on se place spontanément, qu'on le veuille ou non, dans l'horizon de l'unité du temps, de la forme temps. On en parle au singulier. Merleau-Ponty, dans un beau texte de la phénoménologie de la perception, disait « Le temps, en fait, c'est une personne. On a raison d'y penser comme une figure familière qui nous accompagne comme une personne. On en parle au singulier, mais en fait, c'est un nom propre, en vérité. C'est le temps, comme on dirait le Bernard. » Et parce que, en effet, dès qu'on en parle, dès qu'on le pense, on présuppose qu'il a quelque chose de singulier, d'unique. Et donc, quel serait le concept nouveau, la chose, la proposition véritablement créative qui permettrait de corriger l'erreur et de réparer l'oubli que je viens d'indiquer. Alors là, je vais être vraiment modeste, c'est-à-dire que je vais m'abriter devant deux noms propres, deux philosophes qui ont fait le travail. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est qu'ils l'ont fait de façon assez différente, l'un et l'autre. Les deux noms, c'est Bergson, il a déjà été cité, et Bachelard. Et à peu près à la même époque, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Pour Bergson, je dis passime, toute l'œuvre ne parle que de ça, et le concept spécifiquement, c'est la durée. Pour Bachelard, c'est moins évident peut-être, mais il est l'auteur d'au moins un livre que je trouve phénoménal, La dialectique de la durée, dont le titre est vraiment presque une sorte de provocation anti-bergsonienne, puisque justement il s'agit d'introduire de la dialectique, donc du négatif, dans le paradigme de la durée. Et en fait, ce qu'il propose, c'est une philosophie du rythme. Donc durée, rythme, pour moi, sont les deux concepts créatifs qui répondent exactement au cahier des charges, qui corrigent une erreur et qui réparent un oubli, et qui l'un et l'autre, en fait, articulent ou composent d'une autre manière, enfin d'une manière inventive, cette dimension du simultané qui me paraît être le cœur de l'affaire temporelle, en fait. Je vais essayer de dire à un moment, dans un instant, que c'est en fait la meilleure voie d'entrée dans la question du temps. Il faut commencer par le « en même temps ». Et pas par le successif, pas par le avant-après, pas par le flux, et disons, cette espèce de tradition augustinienne qui domine le discours philosophique, qui consiste à penser qu'il y a un problème avec le temps, un problème concernant la réalité du temps qui tient à ce qu'il coule, à ce qu'il passe. Que le temps passe, que le temps coule, est la chose la moins intéressante qu'on puisse dire du temps. C'est à peu près aussi intéressant et instructif que de dire que l'espace est étendu. On n'a rien dit encore. Et donc je pense que entrer par la petite porte du simultané est peut-être une bonne méthode. Voilà. Et donc ce faisant, j'expliquerai ce que chacun des auteurs derrière lesquels je m'abrite ont dit que le temps faisait spécifiquement. Comme durée ou comme rythme, le temps à chaque fois fait quelque chose, c'est des fonctions complémentaires, le temps simplement est présenté comme un facteur d'un genre différent dans chacun des cas. Et puis, j'essaierai de vous faire entrevoir en quel sens ces deux manières de reposer le problème constituent deux voies pour se libérer, c'est un peu le sujet, le thème général de ces rencontres, de se libérer de l'emprise du temps. Deux manières de briser la cage invisible, de se libérer du temps mal vécu, mais aussi mal pensé. Et je dirais que Bergson, avec la durée, essaye de penser un temps qui est essentiellement créateur et qui pourrait le devenir davantage. Mais il l'est lui-même, il l'est en soi. C'est sa fonction principale, c'est de créer, produire du nouveau. J'y viens dans un moment. Et puis on pourrait dire que Bachelard, de son côté, tout en étant intéressé par cette idée d'un temps essentiellement créatif, valorise une fonction plus active de temporalisation qui consisterait à rythmer le temps, à le rythmer pour lui donner une sorte de fluidité, peut-être qu'Olivier Ponton dirait légèreté, qui tient au fait que le temps n'est pas simplement justement ce qui s'écoule inexorablement. Il appelle ça le temps horizontal, le temps de la vie, le temps des pulsions, le temps des tendances, le temps des habitudes, mais c'est aussi quelque chose qui monte. Le temps a un axe vertical de développement qui est en fait l'axe des fonctions de l'esprit. Il y a un temps de l'esprit qui est un temps vertical. Et c'est des très belles pages de la dialectique de la durée que je voudrais simplement évoquer rapidement comme étant une piste possible pour réfléchir à ces questions. Donc, commençons par le début, et j'ai bien conscience d'avoir déjà parlé la moitié de mon temps, mais c'était prévu, en fait. Ce plan de route tenait déjà lieu de hors d'œuvre. Je poursuis donc avec le plan de résistance qui commence, bon, malgré tout, par une remarque incidente. Expérience de pensée, je ne vais pas la développer jusqu'au bout, mais quand on s'interroge sur la réalité du temps, il est bon de se demander qu'est-ce que ça changerait s'il n'existait pas. À supposer que l'un d'entre nous puisse en offrir une démonstration métaphysique, l'irréalité du temps, il y en a qui l'ont fait. MacTaggart a proposé une belle thèse, et puis il y en a d'autres, c'est pas le seul, concernant l'inexistence du temps, l'irréalité du temps. À supposer qu'on en soit convaincu, qu'est-ce que ça changerait, pratiquement? Et même pour la pensée, pour la façon dont on pense le monde. Alors la réponse à la Woody Allen, c'est dire qu'en fait ça ne change rien, parce qu'on devrait toujours attendre le bus, quand il est en retard notamment. Et puis la réponse un peu moins cabotine consisterait à dire, c'est celle de Einstein sur un mode dramatique, un peu tragique, à la veuve de son ami Bessot. Einstein qui dit, vous savez, pour nous physiciens qui avons travaillé sur la question du temps et de la simultanéité, en réalité, tous les événements coexistent dans un espace-temps à quatre dimensions, dans l'univers bloc, dans l'éternité en somme, une sorte d'éternité à la Spinoza, mais repenser au prisme de la science contemporaine. Et donc, d'une certaine façon, le temps ne passe pas, et donc, d'une certaine façon, il est irréel. En tant que élément du monde, il est irréel. Et donc, on peut y trouver une sorte de réconfort. Je ne sais pas ce qu'en a pensé la veuve de Bessot, mais une sorte de réconfort qui est de dire, évidemment, on est prisonnier du temps, là, le temps qu'on passe. Mais en fait, d'un autre point de vue, on est déjà en train de vivre ça dans l'éternité. Nous habitons déjà l'éternité. Bon, est-ce que ça suffit à produire une libération spirituelle? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ça nous libère du problème de départ. Parce que le problème de départ, tel qu'on le pose généralement, et c'est très clair chez Einstein et chez beaucoup de physiciens qui parlent de la disparition du temps, ça fait tous les 6 mois à peu près la une de la recherche ou de Science et Avenir, le temps n'existe pas. Donc, on nous annonce de façon un peu tonitruante que la physique contemporaine a évacué le temps du paysage des choses objectives, des choses dont on peut parler en ayant l'impression de parler de quelque chose, précisément. Il y a diverses raisons à cela, et je veux juste profiter de cette amorce pour ouvrir cette parenthèse et la refermer très vite, parce que peut-être que vous attendez de moi, puisque j'ai bossé sur Bergson et Einstein, hein, durée et simultanéité, le sous-titre c'est à propos de la théorie d'Einstein. Quelques clarifications à ce sujet. Ça va aller très vite. La relativité restreinte, 1905, montre que pour ce qui concerne la simultanéité à distance, celle qu'on ne perçoit pas donc en quelque sorte localement, dans une expérience de coïncidence locale, ici maintenant, ce qui se passe là-bas, maintenant ailleurs, d'accord, pose un problème insurmontable dans les termes d'Einstein, en tout cas, c'est-à-dire si on se pose concrètement la question des procédés de synchronisation d'événements dans l'espace. Et ce problème, c'est que les relations de simultanéité sont intrinsèquement indéterminées. Elles ont un caractère relatif, ça dépend du choix du référentiel, je passe là-dessus, mais la conclusion qu'il en tire très rapidement, et elle est presque inévitable, c'est que si vous pensez les choses de cette manière, il n'y a plus moyen de définir objectivement un front universel du devenir, si vous pensez le temps comme forme d'un devenir qui serait comme une vague qui emporterait toute chose, il n'y a plus moyen de dire à chaque instant quelle est la forme de la vague, c'est-à-dire cette espèce de front qui constituerait un présent universel. C'est relatif, ça dépend de la perspective cinématique que vous adoptez sur les choses. Alors tout ça est connu, mais c'est une des raisons pour laquelle on dit que le temps n'existe pas. Et il y a deux façons de le formuler, ce qui montre déjà qu'on n'est pas très assuré de la suite, que métaphysiquement c'est quand même très très confus. Et de façon alternative, parfois dans le même texte, un même physicien va vous dire « Oui, bah, le temps est vaporisé, il est explosé en fait en une myriade de durées locales qui conservent un caractère objectif le long des chemins d'espace-temps qu'une conscience pourrait parcourir, mais qui correspondent concrètement à des mouvements, qui correspondent à des dynamismes locaux dont on peut exprimer la durée, mais complètement découplée, complètement déliée de toute notion de simultanéité. C'est-à-dire que la durée n'est pas du tout commensurable avec la durée des autres. Un des paradoxes immédiats qui en découle, il a été évoqué tout à l'heure, c'est le fameux paradoxe de Langevin, dit paradoxe des jumeaux. Mais en fait, il ne fait que cristalliser un problème absolument général, c'est qu'entre deux événements donnés, dans le cas des jumeaux, c'est l'événement séparation, il y en a un qui part faire un périple dans l'espace, puis après il revient, entre l'événement séparation et l'événement réunion, quand il revient, bon, il se passe un certain temps pour l'un, un certain temps pour l'autre, mais précisément, la mesure que chacun en donne est différente, il y a une non-concordance, une sorte de déphasage des durées vécues. Mais c'est absolument général, c'est-à-dire qu'entre deux événements donnés de ce genre, vous allez avoir autant de manières d'en exprimer la séparation temporelle, la distance temporelle, qu'il y a des manières de les relier causalement, soit en allant faire un tour dans l'espace et en revenant, soit en restant assis sur sa chaise sur la Terre. À chaque fois, vous aurez un résultat différent. Donc il n'y a vraiment aucun moyen d'unifier le temps globalement. Il est irréductiblement dispersé. Simplement, chaque mesure locale est absolument objective. Elle est même invariante par changement de référentiel. Donc en fait, on récupère une notion très forte, très objective, invariante du temps, mais à l'échelle strictement locale. Et donc, simultanément, cette même affaire, cette même situation, elle est souvent exprimée de la façon suivante. En fait, toutes ces durées locales coexistent dans ce qu'on va appeler le bloc espace-temps à quatre dimensions, l'espace-temps d'Einstein-Minkowski, avec une métrique particulière, mais bon, qui redonne le sens d'une sorte d'unité globale, mais qui n'est pas d'une grande utilité pour le physicien, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est de mesurer localement des processus, de rapporter les uns aux autres des dynamiques qui obéissent à des lois. Et puis bon, le bloc espace-temps, c'est vraiment une projection métaphysique, mais ce qui me frappe toujours, c'est qu'elle est absolument presque opposée à celle qui pluralise, au contraire, le devenir. Et on se retrouve dans cette situation qu'à la fin de la journée, comme disent les Américains, « at the end of the day », il est plus simple de considérer que le temps n'existe plus. Alors, la situation s'aggrave en relativité générale pour des raisons techniques que je n'ai pas besoin d'évoquer. Elle se complique avec la mécanique quantique du fait qu'en plus de ces histoires, on doit négocier avec un temps qui est essentiellement saccadé, heurté, discontinu pour des raisons qui tiennent à la nature des phénomènes énergétiques au niveau microphysique. Bon, on dit souvent qu'à l'échelle, en deçà de l'échelle de Planck, c'est-à-dire d'une durée extrêmement réduite, il n'y a plus d'horloge. Vous ne pouvez pas définir une horloge de façon stable, de façon cohérente. Ça signifie qu'en fait, pour des portions très réduites de la durée, à un moment donné, vous perdez le sens de la durée continue. Il y a quelque chose comme un phénomène de turbulence, une indétermination intrinsèque qui fait que la seule manière de décrire ce temps objectif, c'est de l'imaginer d'une certaine façon comme essentiellement discontinu. Alors tout ça est discutable, il y a des querelles d'interprétation, mais en gros, c'est l'idée que beaucoup de philosophes ont retenue. C'est-à-dire qu'au fond, on ne peut pas, en tout cas pas de façon immédiate et simple, s'adosser à l'idée qu'en deçà des phénomènes physiques, il y aurait quelque chose qui ressemble, même à l'échelle locale, quelque chose qui ressemble à un écoulement continu, d'accord, dont les sabliers nous donneraient le modèle. Voilà. Je referme cette parenthèse et j'en viens donc très rapidement à l'énumération de l'erreur, de l'oubli et de la solution constructive. L'erreur, en fait, je ne vais pas continuer, je viens de l'exposer sous un point de vue très, très, très particulier, qui est celui du discours contemporain de la physique sur la question du temps. Et donc les énoncés du genre « le temps n'existe pas » ou « n'existe plus », je viens d'expliquer en quel sens, en fait, ils tournaient autour d'une idée du temps comme étant un machin, une sorte de processus universel qui devrait en droit, en tout cas dans la théorie classique, peut-être dans l'imaginaire newtonien, sous-tendre, d'accord, accompagner, porter tous les processus locaux. Alors effectivement, ce temps, on l'a perdu. Mais l'erreur, évidemment, c'était de penser dès le départ que le temps était un truc de ce genre. Était un archi-mouvement ou un fleuve invisible, précisément à l'image de ce que Newton décrivait dans les Principia comme étant un temps uniforme, un temps au cours absolu, vrai et mathématique, au cours uniforme. Bon, c'était ça l'erreur, c'était de le penser comme ça dès le départ. Et donc pour réparer cette erreur, il faut le considérer, c'est la suggestion, je pense, que je voudrais faire aujourd'hui, il faudrait le considérer comme un facteur ou comme un opérateur, quelque chose de plus formel en fait, quelque chose qui n'a pas la prétention de décrire un processus invisible, mais plutôt de donner un cadre pour la façon dont on enchaîne certains concepts, alors celui de causalité qui a été évoqué tout à l'heure, mais aussi bien, par exemple, des notions liées, par exemple, au processus énergétique en général, disons à la tendance des choses, à la tendance du réel à aller vers plus de structure, plus d'organisation, ou alors moins de structure, plus de désordre. Vous avez peut-être reconnu le thème de l'entropie, qui est originellement lié à des questions thermiques, mais plus spécialement à des questions de dégradation de l'énergie. Bon, voilà, je dirais que le temps, il a en fait ce caractère de il a un caractère formel ou un caractère d'abstraction qu'il assimilerait, si on voulait faire des analogies, avec un concept comme celui d'information, avec un concept comme celui d'information serait un bon équivalent. Donc quelque chose de relativement abstrait. Ne pas s'empresser de l'enfermer dans des métaphores sous prétexte qu'on est capable de le mesurer et quand même parfois de se donner l'impression de le percevoir. Comme dit Bergson, fermez les yeux, recueillez-vous et sentez le temps pulser ou durer en vous. Oui, mais si vous le pensez aussi saut comme un fleuve, un petit fleuve ou un ruisseau en vous, ou comme un écoulement, c'est fichu. Et Bergson le dit lui-même, ne le pensez surtout pas comme ça. Parce que là, vous le spatialisez et vous en faites un espèce d'hyper-mouvement et tout est perdu. Alors, j'en viens à l'oubli et pourquoi cet intérêt pour le simultané ? Donc, j'ai déjà dit que empiriquement, si on regarde, c'est souvent négligé. Et c'est déjà une bonne raison de s'interroger. Pourquoi reléguer toujours le simultané à la seconde place, à la place de quelque chose qui serait dérivé d'une définition première du successif, de sorte que souvent, en fait, on dit le simultané, c'est le non-successif. Ou un peu comme Muriel l'a défini, l'a introduit, une façon de dire qu'en fait, à chaque fois qu'on a affaire, par exemple, à un couple d'événements qui, en aucune manière, ne peuvent être pensés comme successifs, donc s'ils sont toujours non successifs, on va les appeler simultanés. Mais on n'a pas donné de contenu réel à simultané. C'est ça le soupçon que je nourris, c'est que le contenu qu'on pense y mettre est entièrement dépendant de l'idée du successif, plus claire, plus immédiate, avec laquelle on avait commencé. Donc l'idée, ce serait de commencer par là, et donc là, je dirais, la piste couvre Bergson. Elle est connue, en fait. C'est un exemple qui est peut-être aussi célèbre que celui de la mélodie intérieure, qui donnerait le type d'une durée vécue. Il dit « Je me prépare un verre d'eau sucrée ». Vous connaissez la phrase célèbre, il dit « Il faut attendre que le sucre fonde ». Alors évidemment, l'attente, elle a un caractère qualitatif, subjectif, vécu. L'attente elle-même, elle est du côté de l'impatience éprouvée par le sujet, qui voudrait que le processus soit accéléré et que le sucre fonde un peu plus vite. Bon. Donc c'est... On pense ça comme une illustration supplémentaire du fait qu'à côté du temps des horloges, du temps mesuré, du temps du physicien et du mathématicien, il y a quelque chose comme le temps vécu. Mais ce que dit l'affaire du verre d'eau sucrée est beaucoup plus intéressant. Et quand on regarde ce qu'il en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Ce qu'il montre, en fait, c'est que c'est un révélateur de la durée objective. C'est-à-dire du fait que la durée n'est pas confinée dans l'intériorité un peu moite de mes sensations, de mes sentiments, etc. En ayant à attendre que le sucre fonde, je fais l'épreuve concrète de la pluralité des durées. C'est-à-dire que je me coltine une durée, celle de la matière, du sucre qui se délite dans un verre d'eau, sur laquelle je n'ai pas de contrôle. D'accord ? Et c'est ça, en fait, qui lui sert de vrai révélateur de quoi ? D'une dimension du réel, en fait, qui n'est pas simplement... pas simplement celle d'une sorte d'écoulement perpétuel, on a parfois associé Bergson à une forme d'héraclitéisme, de mobilisme universel, en fait quelque chose de plus intéressant qui est le sentiment très vif qu'il y a une pluralité de durées, qui ont un caractère un peu hétérogène. Je veux dire, je n'ai pas de prise et je sens bien l'altérité de la durée de la matière quand je me confronte comme il l'explique, à un morceau de sucre en train de fondre. Je dois attendre. Et donc, ça me permet de m'acheminer vers le troisième temps conclusif, qui était, au fond, qu'est-ce qu'ils nous disent de positif, de constructif sur la fonction du temps ? Qu'est-ce qui fait le temps ? Et je vais juste tirer ce fil un peu plus loin, l'exemple du verre d'eau sucrée. Vous savez que peut-être que le concept de durée, tel que l'introduit Bergson, il se caractérise essentiellement par quelque chose qui a été évoqué par, en fait, dans les deux exposés précédents. C'est qu'il y a une mémoire inhérente au changement. C'est ça l'idée de durée. L'idée qu'il y a derrière durée, c'est pas que ça résonne en moi subjectivement, c'est pas que c'est qualitatif et d'abord vécu avant d'être mesuré. Le point important, le point métaphysique, c'est de dire dans la durée, et évidemment, la durée vécue en donne l'expérience type, mais dans la durée, et c'est vrai aussi de la durée de la matière, c'est vrai de la durée du monde, il y a quelque chose qui se perpétue, il y a quelque chose qui se conserve d'un instant à l'autre. Il y a une mémoire inhérente au changement qui fait que le passé se prolonge, se continue littéralement dans le présent. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas distinguer, séparer, découper présent et passé, ou l'instant T et l'instant T plus 1. C'est ça qui reproche au modèle mathématique du temps. C'est de réintroduire la notion d'instant et donc de découper une durée qui est intrinsèquement épaisse. Il faudrait une topologie, effectivement, des recouvrements, ou une topologie sans point, quoi, sans instant, pour le comprendre. Mais c'est ça, l'intuition, c'est qu'il y a un principe de conservation. Et c'est vrai vraiment, même si c'est de façon très ténue et très, très, très distendue, au niveau même de la matière. La matière, ce n'est pas un recommencement perpétuel. Ce n'est pas loin de ça, quand vous étudiez les vibrations atomiques. Bon. Mais même à ce niveau, c'est une conjecture de Bergson, il y aurait quelque chose comme un embryon, un germe de mémoire. Bon. Et sur cette base-là, en fait, il développe une conséquence qui juge presque immédiate, et ça, c'était présent dans l'exposé d'Olivier Ponton, c'est que du fait même qu'il y a une mémoire inhérente au changement, aucun moment ne se reproduira une deuxième fois. C'est un principe de variation qui découle, paradoxalement, immédiatement du principe de conservation. Deux moments ne se répètent jamais, une chose ne revient pas à l'identique. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'entre les deux, moments, du temps se sera écoulé. Et si du sang s'écoule, quelque chose se passe, parce que le temps fait quelque chose. Que fait le temps ? Il relie le passé au présent. À tout instant, il pousse un peu de passé dans le présent. Si de la mémoire et du passé se sont accumulés d'un instant à l'autre, le deuxième instant ne peut pas être le même, strictement. Leibniz dirait qu'il y a un principe des indiscernables, mais temporel ici. Bon, quel est l'intérêt du verre d'eau ? C'est qu'il élargit et il démultiplie le potentiel de cette thèse métaphysique, de ce noyau métaphysique et le couplage très étrange entre un principe de conservation et un principe de variation perpétuelle. C'est que ce principe de variation va produire de la nouveauté, naturellement, hein, chaque instant est nouveau et neuf, mais le fait qu'il y ait plusieurs durées, le fait que la durée ne soit précisément pas confinée dans une intériorité subjective, le fait qu'on ne soit pas, en fait, prisonnier de notre propre durée, le fait qu'on puisse communiquer comme on le fait maintenant, et parfois communiquer aussi avec les durées de la nature, en accompagnant les mouvements du monde qui rythment, qui scandent notre propre activité, notre propre durée. Le fait qu'il y ait une communication des durées au pluriel est un intensificateur d'hétérogénéité et de nouveauté. C'est ce qui va faire qu'il va se produire encore potentiellement beaucoup plus de choses neuves que si vous étiez livré à vous-même dans l'écoulement perpétuel de votre mélodie intérieure. Il y aurait de la création à tout instant, si vous étiez réduit à cet état un petit peu catatonique, quoi, d'être livré à votre rêverie intérieure. Mais c'est encore beaucoup plus fort et intéressant si vous êtes sans cesse contrarié par des durées qui s'interposent, qui se superposent à votre propre durée et vous obligent à ajuster votre rythme et induisent toutes sortes de bifurcations, etc. Que fait Bachelard à cet égard ? Et je conclue là-dessus. On pourrait dire qu'il embraye sur l'intuition bergsonienne d'un temps qui serait essentiellement créateur. Mais il introduit une petite torsion. Et je veux l'évoquer vraiment brièvement, en une minute. Elle prend, si on voulait donner un mot, si on voulait résumer ça sous un concept, elle prend la forme d'une valorisation, non pas de la fonction créatrice du temps, vous avez compris pourquoi il crée parce qu'il conserve, non pas la fonction créatrice en tant que telle, non pas non plus la fonction destructrice du temps. Je ne l'ai pas évoqué Parce que ça va de soi, c'est un des top poils qu'on associe à la figure du temps, un Chronos dévorant ses enfants, le temps qui est aussi le temps de la dégradation, du vieillissement, de la mort, tout ça. Le temps qui détruit les formes. Ça ne l'intéresse pas trop, à vrai dire. Il en parle, mais il dit plus intéressant encore, et là on voit comment il lit dialectiquement création et destruction, il y a le fait que le temps opère des restaurations. Le temps restaure. Alors, ce n'est pas exactement le concept de la résilience, ce n'est pas le concept plastique de la résilience qui était évoquée ce matin par Judith Revel, c'est l'idée d'une possibilité de reprise, de recommencement qui restaure ou restitue quelque chose comme un schéma d'action, comme une forme, un ordre qu'on avait pu donner au temps. Et les exemples sont multiples, mais en fait, ils sont très simples, ils sont très, très quotidiens. C'est comme le verre d'eau, là, on ne peut pas faire plus simple. Il dit, pensez à l'orateur. Alors, je prends mon cas, là, et j'ai quasiment terminé. L'orateur qui suit de façon plus ou moins libre, un plan de route. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait, comme moi, des bullet points, comme on dit joliment, donc des tirets et puis des mots soulignés. Il s'est fait un canevas, plus joli, un canevas qui lui sert de référentiel, une série de points fixes sur lesquels il va se caler, sur lesquels il va essayer de se caler pour retomber sur ses pieds, tant bien que mal, et, je dirais, maintenir une apparence de cohérence, de consistance dans son discours. Il n'a pas besoin pour ça de se référer à une durée continue, à une sorte de poussée intellectuelle, comme une germination qui le conduirait inexorablement d'une prémisse à une conclusion. Il suffit qu'il ait des points de repère bien disposés pour pouvoir s'y retrouver de loin en loin. Et s'il refait le même topo, supposons dans le cadre d'autres rencontres, ce que je ne fais jamais, je travaille toujours à neuf, d'où le côté un peu exploratoire, et s'il le refaisait, non pas à l'identique, mais dans le même esprit, avec le même propos, la même intention, il pourrait reprendre exactement le même canevas et restaurer dans le temps un rythme, une construction qui ne serait pas exactement la même, mais qui serait du même ordre. Et ça, explique-t-il, c'est le temps qui le fait, parce que le temps, le vrai nom du temps, l'autre nom du temps, c'est pas durée, c'est rythme. Le temps est essentiellement rythmique, comme articulation, composition d'instants choisis, qui dessine une forme temporelle, une configuration temporelle capable de se répéter. Et évidemment, quand on dit configuration, organisation, on invoque, et ça c'est la philosophie de Bachelard, hein, c'est un grand rationaliste, rationalisme actif, agressif, mais rationaliste quand même, eh bien c'est une fonction de l'esprit. C'est l'esprit qui organise le temps. Mais il peut le faire parce que le temps a une affinité avec l'esprit. Le temps, ça n'est pas la vie. Le temps, ça n'est pas simplement l'écoulement perpétuel des choses, ça n'est pas l'entropie, ni l'élan créateur, c'est quelque chose qui a une infinité essentielle avec les opérations de l'esprit, et c'est pourquoi on peut développer le temps, mais ça, j'ai pas le temps, verticalement. Lisez le formidable 6e chapitre de la dialectique de la durée, c'est un chapitre hallucinant, sur les temps superposés, où il propose un exercice très simple que je vous recommande, c'est de partir du cogito de Descartes, je pense, et de monter par paliers d'abstraction successives jusqu'aux zones les plus tendues et en même temps les plus raréfiées du temps de la pensée, c'est-à-dire je pense que je pense, mais aussi je pense que je pense que je pense, cogito à la troisième puissance, etc. Alors il prétend avoir eu l'intuition fugitive d'un quatrième exposant du cogito, mais pour lui c'est l'exemple type un peu philosophique, hein, mais il y a toutes sortes d'autres applications beaucoup plus banales, de ce que peut faire l'esprit quand il investit le temps, il se laisse emporter par un temps qui cesse de se développer horizontalement, de façon transitive, d'instant en instant, mais qui opère de loin en loin en construisant des paliers ou des stations ou des zones de halte successives, dans le cas que j'évoquais là, dans l'abstraction, dans une montée en abstraction. Mais ça peut être aussi, très simplement, dans l'ordre, par exemple, de l'intensification d'une expérience morale, ça peut être dans l'ordre de la feinte, qui est un autre exemple qu'il donne. Je peux feindre de feindre, intéressant. Et sur ce, je m'arrête.